Bonjour à tous, vous êtes bien sur le 89.5 avec Radio Dio et vous écoutez l'émission Cours JV, le vieux monde est derrière toi. On est en décembre, les fêtes de fin d'année approchent et les décos de Noël ont envahi le décor, donc avec les filles, on a décidé de vous parler des traditions. Traditions religieuses ou non, et pas forcément en décembre d'ailleurs. Est-ce qu'elles ont encore du sens pour les jeunes? Est-ce qu'elles ont évolué depuis la génération de nos parents? Donc, pour répondre aux différentes questions qu'on s'est posées, on a comme d'habitude interviewé des lycéens. Et pour bien commencer l'émission, avant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, j'ai choisi de vous passer Wham avec Last Christmas. I'm Merci Delia, avec cette chanson tu nous as tout de suite mis dans le mood de Noël, c'est trop bien. Maintenant on va écouter un peu les personnes qu'on a interviewées, donc JB, Saïf, Sarah et Alexis, on vous laisse la parole. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Pilet et j'ai 17 ans. Et qu'est-ce que c'est pour toi une tradition, Jean-Baptiste ? Alors pour moi une tradition, ça serait un ensemble d'habitudes propres à une communauté. Est-ce que toi, tu fais certaines traditions ? Ouais, je fête Noël et je fête Pâques aussi, avec ma famille. Et pourquoi tu fêtes telle ou telle tradition, Noël, Pâques, c'est... Parce que c'est un moyen pour toute la famille de se retrouver. C'est vrai qu'en plus, on ne se voit pas souvent, donc c'est toujours un bon moment à passer en famille. Est-ce que tu trouves que les traditions, elles sont de plus en plus commerciales ou ça reste juste familial et une habitude ? Voilà. Si on prend Noël par exemple, maintenant c'est surtout devenu un moyen pour vendre des cadeaux et permettre aux gros industriels de se faire beaucoup d'argent chaque année. Est-ce que tu penses que tu fêtes Noël de la manière traditionnelle dont les gens l'entendent ou différemment ? On mange du saumon fumé et du foie gras et on ouvre des cadeaux, donc je pense que c'est assez traditionnel sur ce coup-là. Ouais. On fait pas la messe. Ok, du coup c'est plus éloigné du côté ouais. Tradition religieuse pour toi. Est-ce que ta famille elle est plus à cheval sur les traditions que toi ? Non, on n'est pas très à cheval sur les traditions dans la famille, ça s'est perdu. Et est-ce que tu fais ou est-ce que tu connais une tradition qui est méconnue, soit en France, soit en général d'une communauté dont tu voudrais parler ? Non, pas que je sache. Ok, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors bonjour, moi je m'appelle Sarah, je suis en terminale et je suis au lycée Fauriel. Qu'est-ce que c'est pour toi une tradition ? Alors pour moi une tradition c'est quelque chose qui se renouvelle tous les ans, que certaines personnes ont et que d'autres ne peuvent ne pas avoir. Et voilà. Est-ce que tu prends part à des traditions ? Oui, par exemple la fête de l'Aïd, c'est par exemple la fête après le Ramadan du coup. Pourquoi est-ce que tu fêtes l'Aïd ? Alors, on fête l'Aïd parce que ça vise à rassembler toutes nos familles autour d'un repas et voilà, c'est très convivial. Est-ce que tu trouves qu'il y a des traditions qui sont de plus en plus commerciales ? Oui, par exemple Noël. À chaque fois qu'on arrive en décembre, il y a plein de magasins qui offrent des produits pour Noël. Du coup, c'est commercial. Quelle importance ça a pour toi, les traditions ? Bah, je trouve que c'est important parce que au moins ça permet de rassembler tout le monde et voilà, on peut se retrouver avec sa famille, ses amis, ça peut être convivial quoi. On entre dans la période des fêtes de fin d'année. Est-ce que toi tu fêtes Noël ? Alors moi quand j'étais petite, je fêtais Noël, mais là vu que j'ai grandi, je fête plus trop Noël, voilà. Est-ce que ta famille, elle est plus à cheval sur les traditions que toi ? En vrai, non. C'est toute la famille, on est tous ensemble et quand il y a quelque chose, on le fait tous ensemble. Donc en vrai, c'est tout le monde. Est-ce que toi, quand tu seras plus grande, est-ce que tu perpétueras les traditions ? Oui, bien sûr, je trouve que c'est super important de donner sa tradition à ses enfants et que ça se transfère en génération. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une tradition qui est un peu méconnue, qui n'est pas faite par tout le monde ? Par exemple, pendant les mariages libanais, on a plein de gens qui rentrent avec plein de tambours, plein d'instruments de musique pour l'entrée des mariés du coup. Donc ça c'est un peu une tradition du Liban, c'est pas dans tous les mariages. Et voilà, on a plein de gens qui jouent du tambour, qui font le dabke, c'est une danse libanaise. Et voilà. Ouais, ça doit être une bonne ambiance. Oui, vraiment. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Merci. Merci à vous. Au revoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors bonjour, je suis Saïf Edine, élève de terminale, en terminale 2, au lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne. Et mes spécialités sont la SVT et la physique-chimie. Voilà. Qu'est-ce que c'est une tradition ? Pour moi, je dirais, c'est un peu l'ensemble, l'ensemble des actions, l'ensemble des idées, peut-être, que l'on se transmet de génération en génération. Ça peut être des idées morales, des idées religieuses, des actes religieux aussi. Il peut y avoir des traditions aussi entre familles, aussi, très très souvent. Est-ce que tu prends part à des traditions ? Très souvent, avec ma famille, on a des petites traditions familiales, comme le Nouvel An, bien sûr. Très souvent, on va se regrouper soit à Montpellier au sud, soit sinon à Annecy, en montagne, juste à côté d'Annecy. Si on va à Annecy, très généralement, on fait du ski, voilà, on fête mon anniversaire aussi, parce que je suis né le 1er janvier. Si on va au sud à Montpellier, c'est la même chose aussi. Et c'est vraiment des moments qui sont très conviviaux, parce qu'il y a toutes mes tantes, tous mes cousins, toutes mes cousines, mes parents, mes oncles, etc. Et c'est vraiment des moments, l'un de mes moments préférés sur toute l'année. Et du coup, ça a de l'importance pour toi de faire vivre ces traditions ? Oui, oui, bien sûr, parce que ça fait depuis ma naissance qu'on le fait. Donc on commence à faire la même chose aussi avec mes sœurs. Du coup, au mois de juin à peu près. C'est très important aussi pour moi parce qu'on en profite pour fêter mon anniversaire et le nouvel an en même temps. Donc ça, c'est quand même une petite dinguerie, voilà. Et j'en suis assez fier. C'est aussi le petit moment pour voir sa petite famille et tout. En plus, très souvent, j'ai la chance, heureusement, que ça soit tout le temps pendant les vacances. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je trouve que ça garantit ces petits moments familiaux comme ça. Et je trouve que ça fait du bien quand même. Là, on est fin novembre, on entre un peu dans la période des fêtes de fin d'année. Est-ce que toi, tu fêtes Noël ? Alors, moi, je ne fête pas Noël, religieusement parlant aussi, je ne fête pas Noël. On fête le Nouvel An, ça oui. Et comme je disais avant, du coup, avec mon anniversaire, etc. Voilà. Est-ce que tu pratiques une fête, ou alors est-ce que tu fêtes quelque chose qui ressemble un petit peu à Noël, où vous offrez des cadeaux, tout ça ? Alors oui, il est à savoir que je suis musulman. Du coup, nous, dans notre religion, on a des fêtes, notamment le grand Aïd, où très souvent, on se regroupe aussi en famille et on s'offre de la nourriture, des cadeaux, de l'argent, etc. Le problème, c'est que très souvent, c'est pas en vacances scolaires, donc on n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer en famille, mais on essaie quand même de s'envoyer des cadeaux, ou de s'envoyer des petits messages, voilà, etc. On essaie de faire vivre le moment le plus convivial possible, voilà. Et après, il y a aussi le Ramadan aussi. Le Ramadan, c'est une période qui est très conviviale aussi, parce qu'on est très souvent proche de sa famille. Et notamment la fin du Ramadan aussi, on le fait très souvent en famille. Donc voilà, c'est un moment très, très important pour nous, en tout cas religieusement parlant. Du coup, c'est aussi l'occasion de retrouver la famille, tout ça. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a une tradition que tu connais ou alors que tu fais qui est un peu méconnue ? Tout le monde ne la connaît pas. Alors, je pense pas. Ça nous arrive de fêter un peu Pâques, mais enfin pas réellement fêter, mais c'est souvent avec les petits enfants ou les petits cousins. On s'amuse à cacher des petits œufs dans le jardin, des petits œufs en chocolat. Sinon, non, j'ai pas de fête vraiment. Enfin, j'ai pas. Ouais, non. Pas de tradition qui sort un peu du commun. Ça peut être une tradition, c'est un peu propre à ta famille, quelque chose comme ça. Les traditions propres à notre famille, c'est ce que je disais au début, c'est nos petits moments en fin d'année où on se regroupe tous. C'est vraiment là le moment où on se regroupe le plus. Après, il y a aussi en été où on se regroupe aussi et on voyage très souvent ensemble avec ma famille. Il faut savoir que si moi un jour avec mes parents et avec mes sœurs je décide de voyager, et très souvent on voyage pas seul. Très souvent on va voyager avec mes cousines, mes cousins, mes oncles, etc. Donc c'est vraiment très convivial comme des moments, voilà. C'est les traditions que tu feras vivre, j'imagine. Oui, bien sûr. Et c'est surtout que, enfin moi c'est les petits moments que j'aime le plus sur toute l'année. Donc bien sûr que j'ai envie de faire vivre ça à mes enfants. Bien sûr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je dirais que la famille, c'est très important. Et que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de se libérer de temps en temps et de prendre du temps avec sa famille, parce que ça peut vraiment faire du bien. Et moi, c'est les moments que j'aime le plus dans ma vie. Voilà. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis un élève du lycée Claude Fauriel en terminale 3. C'est quoi pour toi une tradition ? Pour moi, une tradition, c'est quelque chose qui est récurrent chaque année, qu'on fête chaque année. Ça peut être une fête, ça peut être une commémoration. C'est quelque chose pour moi qui est important. Une tradition, parce que c'est des fêtes que les parents, grands-parents ont fêtées ou ont instaurées. Donc pour moi, c'est toujours important de les commémorer et de les fêter, parce que ça permet en partie, pour ceux qui sont hélas décédés, de penser à leur mémoire. Quand par exemple les fêtes de Noël, on se retrouve sans grand-mère, sans grands-parents, c'est toujours bien de le fêter pour avoir une pensée pour eux. Est-ce que tu fais certaines traditions ? Oui, je fais certaines traditions comme les plus classiques, comme par exemple les fêtes de Noël, on les fait en famille. Le Nouvel An, je le fais en famille aussi. Le Réveillon, je le fais souvent avec des amis. Oui, ça m'arrive, oui. Pourquoi tu fais ces traditions ? Pourquoi je fais cette tradition ? Parce que déjà, plusieurs personnes dans mon entourage les ont fait. Depuis tout petit, j'ai fait Noël en famille. Le Nouvel An, je l'ai toujours fait avec des amis, parce que c'est quand même un moment important. On fête la nouvelle année, donc c'est toujours bien de le faire en présence des personnes qu'on aime. Et pourquoi je fais cette tradition ? Surtout parce que c'est des gens de ma famille qui m'ont instauré là-dedans et instauré ces valeurs de continuer dans cette tradition. Donc c'est pour ça que je perdure encore aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que les traditions sont de plus en plus commerciales ? Oui, les traditions sont de plus en plus commerciales, comme par exemple pour Noël. Avant Noël, on fêtait, c'était le moment de se réunir en famille, on donnait des cadeaux, on en recevait. Et maintenant, je trouve que c'est de plus en plus commercial, parce que déjà les catalogues de Noël ont commencé à recevoir au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc déjà, c'est bien longtemps à l'avance. De plus en plus dans les magasins, ils commencent à s'y prendre de plus en plus tôt, faire des, pas comme des promotions, mais essayer de rendre la chose la plus attractive pour qu'on dépense. Et pour moi, d'un côté comme de l'autre, il y a du bon et du mauvais, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Ou alors, comme par exemple pour Pâques, de base c'était une fête religieuse, et maintenant il y a de plus en plus de gens qui offrent des fleurs, qui font des chocolats, et je trouve c'est un extrême comme un autre, c'est pas bien, faut rester dans le juste milieu. Est-ce que ta famille est plus à cheval sur les traditions que toi ? Non, je dirais pas plus à cheval sur les traditions, mais les traditions que moi je fais et que je fête aujourd'hui, c'est les traditions que ma famille m'a inculquées et qu'on fête ensemble. Donc plus à cheval, je dirais pas jusque là, mais ils sont plus axés là-dessus, parce que déjà c'est souvent des personnes plus anciennes, comme mon père, comme mes grands-parents, donc c'est des gens qui ont une expérience de la vie qui est plus élevée que la mienne, donc c'est pour ça. Est-ce que tu connais une tradition qui est méconnue, qu'on ne connaît pas et qu'on ne pratique pas forcément ? Comme ça, je vais y réfléchir, mais comme ça, je n'ai pas forcément d'idée. Une tradition, déjà, il y a la chandeleur, et je trouve que c'est une tradition qui est bien et qui n'est pas assez respectée, ni pas commercialisée, mais qui n'est pas assez respectée ni fêtée, parce que c'est l'occasion de se retrouver en famille, de cuisiner, c'est toujours un moment convivial à partager, et je trouve que c'est pas assez développé. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en terminale au lycée Fauriel. Qu'est-ce que c'est pour toi une tradition ? Une tradition pour moi, c'est un ensemble de, comment dire, d'événements, de pratiques qui peuvent être propres à une religion, une famille ou alors juste à une localité, par exemple un département ou une région. Est-ce que toi tu fêtes certaines traditions ? Oui, moi je fête pas mal de choses en fait. Noël, Halloween des fois, avec mes amis surtout, la chandeleur, et puis Pâques. Et pourquoi tu fêtes ces traditions ? Pourquoi tu y participes ? C'est une habitude de famille ou... Oui, moi c'est davantage une habitude de famille qu'une volonté vraiment de vouloir fêter quelque chose, par exemple dans le cadre de la religion. Nous, on ne fait pas ça pour ça, c'est davantage par habitude qu'autre chose. Et est-ce que tu trouves que les traditions sont de plus en plus commerciales? Certaines oui, mais pas toutes. Par exemple, Noël devient une fête de plus en plus commerciale, Halloween aussi. Et je sais pas encore si je trouve ça dommage ou pas. J'ai pas décidé. Et quelle importance ça peut avoir toutes ces différentes traditions pour toi, qu'elles soient commerciales ou pas est-ce que ça a du sens pour toi? Pour moi, ça a encore du sens parce que je pense que c'est une manière de rassembler les gens et surtout de lier les générations entre elles, de perpétuer un peu des... d'agir comme on aurait agi, comme d'autres gens de notre famille ou de notre entourage auraient agi il y a des centaines d'années, par exemple. Je vois un peu large, mais bon. On entre dans la période des fêtes de fin d'année. Et donc, tu me l'as dit, tu fêtes Noël, mais est-ce que tu fêtes Noël d'une manière particulière ou est-ce que tu penses que tu as des petites habitudes que tout le monde ne fait pas? Alors moi, Noël, c'est davantage une fête familiale qu'une fête religieuse. Moi, je ne vais pas à la messe. J'y ai jamais été, d'ailleurs. Et oui, c'est vraiment une fête de famille. Et du coup, dans ma famille, on a plein de petites habitudes liées à Noël. C'est vraiment le moment de se retrouver et puis de surtout cuisiner ensemble. Pour moi, l'amour dans ma famille, il passe vraiment par la cuisine. Du coup, Noël, c'est le moment où on fait les gâteaux de Noël, on prépare le repas. C'est vraiment ça, voilà, des petites habitudes de famille. C'est trop mignon, c'est vraiment la magie de Noël. Et est-ce que tu penses que ta famille est plus à cheval sur toutes les traditions que toi? Je pense que dans ma famille, on n'est pas tellement à cheval sur les traditions. Mais en fait, on ne se pose pas vraiment la question. Du coup, je dirais qu'on est un peu pareil. Parce que vu que ma famille n'est pas tellement à cheval, moi non plus, je ne suis pas tellement à cheval sur les traditions. Du coup, ouais, non. Et est-ce que tu fais ou est-ce que tu connais une tradition qui est méconnue ou qui est peu faite par les gens? Alors oui, moi j'ai une partie de ma famille qui est allemande, du coup on fait des traditions qui sont plutôt germaniques, un peu vers la Belgique, l'Allemagne, tout ça. Par exemple à Pâques, chaque année on fait l'agneau de Pâques, donc non on mange pas un agneau mais on fait un gâteau en forme d'agneau, c'est-à-dire qu'on a un moule spécial pour faire un gâteau en forme d'agneau. Quand je le dis ça me paraît très bizarre. Et aussi ce qu'on fait c'est que à Pâques il y a tous les œufs en chocolat et tout, et nous donc on a les œufs en chocolat et aussi on décore des œufs durs avec des colorants, plein de choses comme ça et c'est plutôt sympa. C'est un truc qui se fait beaucoup en Allemagne mais en France c'est pas du tout connu. Merci beaucoup. Les interviews sont terminées, on remercie beaucoup les 5 jeunes qui ont répondu à nos questions. Et avant de poursuivre sur l'importance des traditions chez les jeunes, je vais vous parler de la chanson Electric Lady et surtout de l'artiste Janelle Monae. Janelle Monae, c'est une chanteuse de R&B et de soul principalement. Elle est américaine et a 39 ans. Elle est célèbre pour ses premiers albums surtout, comme The Arc Android sorti en 2010 et aussi The Electric Lady, sorti en 2013, que je vous recommande vraiment. Ses morceaux sont très entraînants et elle a un style unique. Je vous laisse tout de suite découvrir Electric Lady de Janelle Monae. boys be catching feelings. Once you see her face, her eyes you'll remember, and she'll have you falling harder than a Sunday in September. Whether in Savannah, Kansas, or in Atlanta, she'll walk in any room, have you raising up your antennas. She can fly you straight to the moon or to the ghettos, wearing teeny shoes or in flats or in stilettos. Illuminating all that she touches, I'm the sparrow. A modern day Joan of Arc, call me a pharaoh. Classy, sassy, put you in a razzle-dazzy. Her magnetic energy will have you coming home like Lassie, singing ooh, shock it, break it, baby. Electro, sophista, funky, lady. We the kind of girls who ain't afraid to get down. Electric ladies gonna scream out loud. Electric lady. Et bah merci beaucoup Cassandre pour cette découverte, franchement c'est super sympa, j'aime beaucoup. Alors maintenant on va passer à nos petites inspirations culturelles du mois de novembre, ou décembre. Novembre, disons novembre. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un documentaire que j'ai revu avec ma famille il n'y a pas longtemps. C'est le documentaire L'homme aux mille visages de Sonja Kronlund qui est sorti il y a un ou deux mois au cinéma et qui est vraiment vraiment bien. Alors dans ce documentaire, on découvre un personnage aux multiples identités, Ricardo. Il est tantôt chirurgien thoracique, docteur, cadre chez Peugeot, argentin, brésilien, parfois polonais aussi, parfois gendarme ou pilote. C'est surtout un grand mythomane. Il vit avec plusieurs femmes en même temps, et dans le documentaire, on en rencontre quatre de ces femmes qui l'ont fréquenté, et qui ont fini par se rendre compte qu'en fait c'était vraiment un gros menteur et qu'il leur a raconté n'importe quoi sur sa vie. Elles le décrivent toutes, enfin, de la manière dont elle le voyait, et à chaque fois, on a l'impression qu'elle parle d'un homme différent, et pourtant, c'est bien le même. C'est assez fascinant de voir les différentes facettes de cet homme, et en fait, quand on voit les photos et les vidéos qui documentent le documentaire, qui apparaissent dans le documentaire, on se dit, mais comment c'est possible qu'un homme aussi lambda, qui paraît comme Monsieur Tout-le-Monde, comment c'est possible qu'un tel homme puisse avoir une vie fondée sur des mensonges, et des mensonges qui tiennent la route, parce qu'il a vécu avec plusieurs de ses femmes, c'est-à-dire qu'il vivait avec elles à la maison, il a eu un enfant, et parallèlement, il sortait avec trois autres femmes, il était avec trois autres femmes avec qui il vivait aussi. Moi j'ai trouvé ça assez fascinant, c'est ce personnage un peu polyvalent qui a plusieurs vies parallèles en même temps. J'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire, il est captivant. Quand je suis allée le voir au cinéma, c'était plutôt drôle parce qu'il y avait beaucoup de gens qui riaient dans la salle. En fait, dans ce documentaire, il y a vraiment une touche d'humour qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et en plus, vraiment, le clou du documentaire, c'est que Sonja Kronlund a réussi à le rencontrer, ce Ricardo. Et en fait, elle a monté toute une ruse, elle est allée le voir en Pologne pour qu'il parle d'un marathon, enfin des citoyens qui sont impliqués dans la vie d'une localité, donc en Pologne. et ça parlait d'un marathon, et elle a réussi à le rencontrer, à lui poser des questions, et même là, il continuait à mentir, il disait qu'il avait deux enfants, qu'il faisait tel métier, alors qu'en fait, on a vu dans le documentaire qu'avant, que bah, c'est pas du tout vrai. Et de continuer à le voir comme ça, c'était assez fascinant, franchement. J'ai beaucoup aimé, vraiment, je recommande. Je crois qu'on peut le regarder sur la médiathèque numérique, si vous avez des codes, et sinon, il doit être trouvable sur Arte, je pense. Voilà. Ok, c'est fou, c'est fou. Ouais, c'est clair, merci pour la découverte. Et donc moi j'ai choisi de vous présenter, comme un spi culturel de novembre-décembre, le groupe Riffwood, que j'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux. Et en fait ils sont trois gars de 15-16 ans qui viennent de l'Utah aux États-Unis et ils font de la musique selon eux pop-punk. Ils sont très clairement d'excellents musiciens, ça se voit beaucoup sur leurs vidéos, c'est hyper impressionnant d'ailleurs, malgré leur jeune âge, et ils annoncent un album d'ici quelques mois. Les singles qu'ils ont déjà sortis sont vraiment incroyablement accrocheurs, et leur mise en scène sur les réseaux, elle est assez impressionnante, c'est vraiment... ils créent tout un monde en fait dans leurs petites vidéos, et c'est vraiment hyper attrayant. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui les comparent aux Beatles, même si honnêtement, la musique de Riffwood est un peu plus dynamique. Bon, on risque de devoir attendre encore un petit peu, vous vous en doutez, pour voir ces lycéens américains en concert en France. Mais c'est quand même un groupe qui vaut la peine d'être découvert. Et donc, je vais vous faire écouter Blur, la meilleure chanson selon moi, de Riffwood. Et vous êtes toujours sur le 89.5 avec Radio Audio. Merci beaucoup Delia pour la découverte de ce groupe venu de l'Utah. Maintenant, je vais vous parler de ma propre inspiration culturelle du mois de novembre. C'est la Japan Touch à Lyon. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, c'est un salon de l'Asie où l'on retrouve l'univers du Japon traditionnel, des animés, de la pop asiatique, des films Miyazaki et des traditions japonaises. J'y suis allée le week-end dernier et j'ai passé un super moment, donc je vous recommande d'y aller si vous êtes fan du Japon et de l'Asie, ou si vous voulez juste découvrir. Pour ce qui est du côté traditionnel du Japon, il y avait un grand choix de plats traditionnels japonais qu'on pouvait manger, comme des sushis, des plats au teriyaki et bien d'autres. Mais il y avait surtout des démonstrations d'arts martiaux propres à l'Asie, comme le kung-fu ou encore le sabre coréen. Tradition qui a par ailleurs tendance à beaucoup plaire aux jeunes de l'Asie et du monde entier. Sur ce, je laisse maintenant Sarah nous présenter une chanson qu'elle a choisie. Et bah moi j'ai choisi pour cette chanson, enfin j'ai choisi comme chanson I'm Still Standing de Elton John. Cette chanson en ce moment c'est vraiment ma chanson, je l'écoute tout le temps, vraiment. Elle a beaucoup de sens à mes yeux parce que quand on connaît un peu la vie de l'artiste, qui est, ben, lui il a traversé des périodes qui sont vraiment très compliquées, et justement d'avoir cette chanson où il nous rassure, il nous dit bah, je suis toujours là, je suis toujours debout, je tiens, bah, en fait c'est une belle, je trouve que c'est un beau message, je trouve que ça dit un peu, malgré les épreuves de la vie, on peut être suffisamment résistant pour se relever en fait après les épreuves, et je la trouve vraiment, vraiment belle, elle a une belle symbolique. Cette chanson, elle m'a aussi accompagnée pendant mon épreuve du bac de sport en EPS. Donc après le 3x500, je me disais, bah voilà, I'm still standing. J'étais toujours là. Et voilà, on va s'écouter tout de suite I'm Still Standing de Elton John. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little. To cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Ben merci beaucoup Sarah pour la découverte, enfin non pas la découverte mais pour nous avoir fait écouter cette chanson, c'était super. Et maintenant on vous propose tout de suite de parler de l'importance des traditions chez les jeunes. Bah alors pour commencer un petit peu les filles, déjà je voudrais revenir un peu, surtout Alexis en a parlé, sur le fait que les traditions sont de plus en plus commerciales Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais je pense que vous aussi, que de plus en plus, les entreprises puis les magasins, ils s'accaparent un peu les traditions qui existent pour rentabiliser un peu, pour en profiter. Et voilà. Oui, oui, totalement. Comme Noël, je pense que c'est celle à laquelle on pense le plus, parce qu'en plus, on est en décembre et on a les marchés de Noël, les calendriers de l'Avent. Ouais, et puis même toute la vente de décorations partout, vraiment, c'est... il y en a dans tous les coins, quoi. Ouais, et puis ce qui est fou, c'est qu'on voit que c'est vraiment une stratégie de marketing, en fait, parce que comme disait Alexis, dès septembre-octobre, on commence à avoir des catalogues, dans certains magasins, on commence à avoir les décos des octobre. Puis les calendriers de l'Avent, c'est hyper utilisé, c'est-à-dire qu'on passe tout le mois de décembre à avoir des casos tous les jours quasiment avec les calendriers de marque par exemple. Et en fait, c'est vraiment un mois de consommation à fond. Mais... Et c'est clair, et surtout ensuite, en fait, ça enchaîne directement avec Halloween qui est aussi une fête commerciale parce que vraiment, le 31 octobre, donc à partir de, disons, allez, le 29 septembre, on commence à avoir des décorations de Halloween partout. Ensuite, le 1er novembre, donc juste après le 31, directement, c'est Noël et tout. Il y en a dans tous les coins, des décorations, des sapins. Ouais, ça enchaîne vite, hein, c'est vraiment une période charnière. C'est, genre, c'est clair. Bah, d'ailleurs, justement, Halloween, c'est pour le coup, on part un peu sur autre chose, mais c'est une tradition, je trouve, qui est un peu toute nouvelle dans la société en France, parce qu'aux États-Unis, ça existe depuis plusieurs années déjà. Mais je sais que mes parents, par exemple, ne fêtaient pas Halloween comme nous on le fête, ni même du tout quand ils étaient enfants. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que c'est une tradition qui s'est exportée véritablement des US vers la France. Et ouais, c'est super marrant de voir qu'on a totalement adopté le fait d'aller chasser les bonbons. Et... Bah, c'est clair, surtout que j'ai l'impression qu'Halloween, c'est vachement moins une fête familiale que genre, je sais pas, Pâques ou Noël, parce que on voit, en fait aussi, ça s'adresse à tous les âges, parce que les enfants, du coup, ils vont avec leurs parents chercher les bonbons, mais les ados aussi, en fait, ils se retrouvent pour fêter Halloween, regarder des films d'horreur, tout ça. Ouais, c'est plus qu'une fête familiale, en fait, Halloween. Oui, à Halloween, je le vois grave dans ma tête, pas comme avec la famille, mais avec les amis, alors qu'il y a d'autres fêtes qui sont en famille, genre Noël, enfin, on peut faire une Christmas party, mais je crois que c'est plus avec la famille quand même. Ouais, mais pour le coup, c'est super cool ça, parce qu'en fait, c'est une tradition un peu nouvelle qui s'est développée, et ça sort un peu du cadre d'une fête religieuse, ou une fête de famille, ou même, il y a plein de fêtes religieuses qui, aujourd'hui, sont devenues des traditions sans qu'il y ait aucune caractéristique religieuse derrière, genre Noël typiquement. Il y a beaucoup de gens qui fêtent Noël sans être religieux du tout. Et Halloween, c'est un peu une fête comme ça, mais qui n'est pas non plus axée sur la famille. Et c'est vraiment les enfants qui sont au centre du truc. C'est super sympa, ça, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que y a des fêtes de Noël, du coup, qui n'ont plus, enfin, non, des fêtes, des traditions plutôt, qui n'ont plus la signification religieuse qu'elles avaient à l'origine. Moi, je trouve ça marrant de voir ça parce que, je sais pas, moi, j'ai toujours fêté Noël et pourtant, genre, c'était jamais dans une perspective de oui, on fête parce que le petit Jésus, il est né, tout ça. Enfin, ouais, ça a jamais été dans cette perspective-là et c'est intéressant, en vrai, de voir comment les traditions, elles ont évolué avec le temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est fou, mais puis ça a aussi évolué un peu comme les. Comme les religions ont évolué, au final, c'est un peu un miroir des religions, puisque en France, par exemple, il y a plein de religions qui ont un peu reculé, pas toutes, mais par exemple le christianisme. Et pourtant, il y a plein de traditions qui sont restées dans les habitudes, qui sont restées dans les familles, parce que en fait, ça va même au-delà du caractère religieux. C'est plus des moments conviviaux, c'est fait pour s'amuser, puis c'est vraiment devenu une habitude de vie, en fait. Et du coup, même si la religion en elle-même n'est pas forcément aussi forte qu'avant, il y a plein de traditions, de fêtes qui sont restées. Et c'est pas vraiment... C'est différent, mais pas tellement non plus. Bah c'est vrai que ouais, t'as raison, en fait, les fêtes, elles sont vachement devenues un prétexte pour se voir en famille et tout. Ceux qu'on a interviewés nous en ont beaucoup parlé, ça, du coup, du côté convivial, les traditions, tout ça, on se retrouve... Aussi, je voulais parler de l'importance des traditions chez les jeunes. Pourquoi c'est important et est-ce que c'est encore important? Et du coup, oui, d'abord, je trouve que c'est ce que a dit Sarah et toi aussi, l'autre Sarah. c'est un peu confus. Mais c'est aussi super important parce que c'est un moment où on se rassemble et où on peut revoir de la famille qui, par exemple, est éloignée ou qu'on ne revoit pas à chaque fois. Mais il y avait aussi un côté, donc ça, je crois que c'est Sarah qui nous en a parlé, c'est le côté qu'en fait, on reçoit ce que nous transmettent nos aînés. C'est une sorte d'héritage, en fait, les traditions. Et ça nous permet de faire une parenthèse dans nos vies, en fait, et de faire un truc qui existe depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, et j'en passe. Et c'est sûr, c'est hyper intéressant de voir comment les traditions se perpétuent malgré tout ce qui se passe dans le monde, en fait. C'est-à-dire que les sociétés évoluent, il y a des événements politiques, sociaux, enfin tous les jours, partout. Et les traditions, en fait, il y en a plein qui vont perdurer parce que, en fait, c'est vraiment les parents. Comme on l'a dit, c'est un peu un truc familial. Et vu que c'est au sein de la famille, les parents, ils vont le passer à leurs enfants et leur apprendre, le célébrer avec eux. Et c'est un peu une habitude qui va être intériorisée et qui va être ancrée en nous. Et à la fois, comme on apprécie souvent les traditions, on apprécie les fêtes, on apprécie de voir notre famille, c'est souvent des moments agréables. Et du coup, en fait, ça va être normal pour nous de continuer à faire ces choses. Et c'est comme ça que les traditions, en fait, elles vont se perpétuer, alors que je pense que, même moi, il y a plein de choses que je fais, des fêtes ou des traditions, et je me demande pas vraiment ce qu'il y a derrière. Par exemple, Noël, pendant des années, quand j'étais petite, on fait Noël parce qu'on fait Noël. Enfin, c'était même pas... Puis c'est pareil pour Pâques. On fait Pâques, on chasse le chocolat, mais pourquoi on fait Pâques, en fait? Et puis pourquoi pas? En fait, c'est juste vraiment... C'est un truc qui se transmet dans la famille et je trouve ça hyper drôle de voir à quel point ça peut perdurer sans vraiment qu'on se pose de questions, mais c'est pas négatif pour autant. Ouais, surtout que, comme le disait, je sais pas, Saïf, Sarah, il y a vraiment une volonté du coup chez les jeunes de faire vivre encore ces traditions. Je crois que c'était Saïf qui disait qu'il fallait faire vivre les traditions. Ouais, c'est clair. Bon. Oui, et aussi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Delia, sur le fait qu'il se passe des trucs tous les jours. Et donc, en fait, je pense aussi que les traditions, c'est un moyen de se raccrocher, parce que dans une période d'incertitude, donc je pense au climat, je pense à des événements politiques qui se passent tous les jours, ben, je pense que c'est un truc auquel on peut se raccrocher, qui est toujours là, en fait. C'est un truc rassurant aussi, les traditions. Et là, je pense que si tout le monde est aussi excité par Noël, c'est aussi peut-être pour penser à autre chose, parce que c'est un moment où on se détache de nos vies banales quotidiennes et où on fait... on souffle. On fait ce qu'on attend toute l'année, la tradition. Ouais, mais je te rejoins carrément sur ce point parce que c'est toutes les traditions et les fêtes, en fait, c'est quelque chose qui est agréable et qui est censé nous sortir du quotidien. Et c'est une sorte de cycle vraiment auquel on peut se raccrocher. On sait qu'il y aura telle ou telle vacances, on sait qu'il y aura telle fête, qu'on va voir la famille. C'est exactement ce que tu as dit, en fait. C'est des certitudes auxquelles on peut se raccrocher dans un monde d'incertitude. C'est grave rassurant, en vrai. C'est trop bien d'avoir ça. Oui. Mais ouais. Vas-y. Après, je me dis, il y a plein de trucs aussi, des traditions nouvelles qui sont apparues. Et je pense à Halloween et à la Saint-Valentin, par exemple. Et donc, certes, c'est des traditions... très commercial, si ce n'est purement commercial à la base. Mais en fait, il y a quand même un caractère super agréable à fêter ça et de pouvoir étoffer le contenu des traditions et d'en avoir de plus en plus. Je trouve que c'est hyper cool qu'on arrive à faire ça plutôt que voir des traditions disparaître et être complètement dans une année vide de quotidien, de fêtes. Et puis aussi, moi, je trouve que c'est super drôle de voir les traditions dans les autres pays. Moi, pour préparer un peu cette émission, j'avais regardé un peu des trucs. Et c'est hilarant, en fait, de voir les autres pays. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Mais je me dis aussi, en fait, les gens qui viennent de... Enfin, les gens qui vivent pas en France, ils doivent se dire, mais c'est des fous, en fait, les Français. Ils font des trucs, mais jamais nous, on ferait ça. Alors que eux, quand ils font telle ou telle tradition, nous, on trouve ça trop bizarre, par exemple. J'avais trouvé une tradition, elle est vraiment insolite pour le coup. Ça se passe au Mexique. Tous les 23 décembre, ils organisent la Noche des Rabanos. Qu'est-ce que c'est que la Noche des Rabanos? C'est la nuit des radis. Alors, c'est-à-dire que c'est un festival où il y a les commerçants et les artisans qui sculptent des radis. Par exemple, ils font des... ils sculptent, par exemple, je sais pas, des personnages bibliques comme... je sais pas, le petit Jésus, vu qu'on est à la veille de Noël, bah du coup ça paraît un peu, ça fait un peu logique. C'est une sorte de, en fait, il représente les personnages de la crèche un peu en radis. Je trouve ça super drôle. Ils font des animaux, des personnages. J'ai vu des images. Franchement, regardez, c'est hilarant. Et ils font un concours de qui aura sculpté le plus beau radis. Enfin bon, c'est super drôle. Et en fait, ces radis, ils servent à quoi? Ils servent à mettre sur le au centre de la table pour le 24 décembre. Genre, c'est un centre de table. Des radis. Mais c'est trop. Et voilà, ça m'a bien fait rire, j'avais envie de vous en parler. Je comprends, c'est assez insolite. Mais j'ai vu un truc totalement dans le style qui se passe cette fois en Espagne. Parce que bon, j'ai essayé de rechercher un petit peu des trucs méconnus à l'international. Et ça s'appelle la tomatinata. C'est-à-dire que le premier mercredi d'août, dans la ville de Buñol, qui est près de Valence en Espagne, du coup. Les habitants ont l'habitude de faire des batailles de tomates, mais géantes dans toute la ville. C'est-à-dire qu'il y a des camions avec des tomates très mûres qui arrivent, et des tonnes, mais littéralement pas des kilos, des tonnes de tomates dans les camions. Et les gens les prennent dans les mains et ils s'arrosent avec et ils se battent pendant des heures avec des tomates trop mûres. Et en fait, c'est super drôle parce que imaginez... Vouloir mettre en place un truc comme ça en France, on dirait mais t'es complètement malade. Alors qu'en fait, si c'est déjà mis en place, c'est vraiment super drôle. Puis ça doit être hyper agréable comme exutoire ou même pour s'éclater de balancer des tomates défouler. Sur les gens. Mais ouais, exactement. Et après ils font un ménage collectif, c'est-à-dire qu'ils ont tous des lances à eau et ils nettoient leur rue ensemble, ils nettoient la tomate ensemble des rues. C'est très drôle. Mais oui, je l'avais vu en plus, cette tradition, l'année dernière sur les réseaux sociaux. J'avais vu des vidéos de la ville après coup. C'est super drôle parce que c'est un peu moyenâgeux, ce truc de, par exemple, je sais pas, on me dit souvent que genre au Moyen-Âge, quand il y avait des spectacles de théâtre, tout ça, les gens, quand ils étaient pas contents, ils balançaient des tomates. Du coup, c'est super drôle que ça existe toujours, un truc un peu comme ça, genre... Où tu jettes des tomates, quoi. Que le lancer de tomates soit toujours présent au 21e siècle. Du coup, c'est spécifique à une ville ou c'est dans toute l'Espagne, t'as dit? Eh ben, c'est dans la ville de Buñol, okay. À la base, mais ça m'étonnerait pas que ça se soit un peu étendu aux villes autour, et voilà. Ok, parce que oui, du coup, donc, ça me fait penser, donc il y a des traditions comme Noël et tout ça qui sont à l'échelle mondiale, mais il y a aussi des traditions locales qu'on connaît pas forcément, comme celle-là dont ouais, tu as clair. Parlé, mais aussi, par exemple, des traditions stéphanoises, par exemple la Sainte-Barbe, dont on parle à Saint-Étienne en ce moment, qui est la fête des mineurs. C'est incroyable. Moi, je ne l'ai jamais fêté, j'avoue, jamais été à la Sainte-Barbe. Alors... Je crois que j'ai vu le feu d'artifice. Je regarde ouais. le feu d'artifice, mais je ne fais jamais les... Je ne sais pas, les événements mais ouais, autour en fait, de ça. C'est un truc hyper... En fait, la Sainte-Barbe, à la base, c'est la fête... La Sainte-Barbe, pardon. C'est la fête des mineurs. Et ça s'est développé beaucoup à Saint-Étienne parce qu'on a une mine et il y avait beaucoup d'ouvriers qui bossaient à la mine. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, en soi, ça pourrait être fêté dans toutes les villes minières de France, mais ça s'est développé en particulier à Saint-Étienne parce qu'on avait vraiment des ouvriers miniers très nombreux ou alors particulièrement engagés. Mais et c'est hyper intéressant cette fête parce que c'est resté alors que toutes les mines de la région ont fermé. Bah, vraiment. C'est clair, vraiment. Et pourtant, on le fait encore. Et c'est... Ouais, mais c'est hyper drôle. Et maintenant, on le fait plus pour la mémoire des mineurs. Mais quand même, de voir que c'est resté, c'est super sympa. Et mais ça aussi, c'est un truc super convivial, en fait. On se retrouve sur les places du centre. Après, les enfants, ils peuvent avoir des lampions multicolores avec une bougie. Il y a une sorte de défilé avec une statue de la Sainte-Barbe qui est à l'avant du cortège. Et ils vont jusqu'au musée de la mine, donc la mine. Et là-bas, il y a un feu d'artifice incroyable, des lumières, de la musique et tout. Donc, c'est vraiment un truc... C'est hyper agréable pour les enfants, pour les adultes aussi, et c'est trop marrant de voir qu'il y a des traditions comme ça qui peuvent être locales, mais en même temps qui a priori n'ont plus de sens aujourd'hui, et que pourtant on fait toujours. Mais ouais, vous avez des petits trucs à rajouter ou pas ? Bah oui, moi aussi je voulais rajouter un truc, c'est que du coup on a interrogé des gens de notre lycée comme souvent. Oui. Et c'est notre cœur de cible. Voilà, c'est ça. Et donc qu'on a interrogé des gens qui vivent dans un milieu urbain principalement à Saint-Étienne, ouais, mais qu'il y a aussi énormément de traditions rurales qu'on ne connaît pas forcément dans les campagnes où il y a des traditions comme les balles de campagne où on se retrouve. Voilà, ou comme plein d'autres traditions rurales qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est clair, mais les balles de campagne, c'est vraiment un monde à part, c'est super marrant. Puis de plus en plus, il y a des des gens des villes, on va dire, qui vont participer au bal de campagne et des urbains qui participent à plein de fêtes rurales. Donc ça se mixe un petit peu, c'est super sympa. Puis un peu des initiés aussi au bal de campagne, des gens qui savent toujours où sont les bals, quand, avec qui, c'est ouf en vrai. Oui, c'est clair. Ouais, c'est tout un monde. Mais c'est super marrant parce que c'est des traditions qui sont totalement transmises chez les jeunes, ça. Du coup, parce que les bals de campagne, c'est quand même fréquenté par principalement des jeunes. Et en fait, à l'époque de nos parents, c'était aussi principalement les jeunes. Donc c'est super marrant de voir que ça a continué avec le même... Enfin, pas le même public, du coup, mais la même tranche d'âge. Oui, c'est drôle. Eh ben, on arrive à la fin de cette émission. On espère que vous avez vraiment, que vous avez pris du plaisir à l'écouter, parce que moi, franchement, j'ai pris du plaisir à la faire. Je sais pas vous. Moi aussi. Et on espère que le sujet vous a intéressé. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, que vous fêtiez Noël ou pas, que vous fêtiez le Nouvel An ou pas. Surtout, on vous souhaite de profiter de cette période de décembre où il fait froid, où il y a des lumières partout et où le centre-ville il a des odeurs de sucre et de marron grillé, voilà. Sur ce, on vous dit à l'année prochaine. C'est notre dernière émission de l'année 2024. On se retrouve très bientôt. Et on va se quitter en musique avec un peu de Mariah Carey. C'était Cours JB, le vieux monde est derrière toi, avec Radio Duo. Bisous, bisous, bisous, à l'année bisous prochaine. Sucré. I don't want a lot for Christmas.